Le CIC présente Chronique entrepreneuriale. Monseigneur, fourrons tous les entresols de bon fumier bien gras. Ainsi, l'hiver venu, il se dégagera des planchers une douce chaleur dans l'ensemble de votre noble demeure. Et si vous sortiez plutôt couper du bois, ça vous rafraîchirait les idées? Parce qu'on ne gère pas une entreprise aujourd'hui comme on l'a gérée hier et que les enjeux énergétiques sont devenus majeurs, le CIC propose le prêt transition énergétique, un prêt à taux réduit pour aider les entreprises à diminuer leurs factures d'énergie. C'est ça, construire dans un monde qui bouge. CIC, voir conditions en agence et sur cic.fr. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le cas Joseph Joannovici. En mars 1947, les Français découvrent avec stupeur l'existence de cet homme qui apparaît d'abord comme un collabo, mais pas comme les autres. Juif rescapé des pogroms, arrivé sans un sou à Paris, il fait fortune après la débâcle en devenant le plus gros fournisseur de métaux de la Wehrmacht. Plus étonnant encore, depuis la libération, il n'a jamais été inquiété. La cause de cette impunité, un réseau colossal qui court du milicien sanguinaire jusqu'au héros de la libération. Car Monsieur Joseph, comme on le surnomme, a fait partie également de la résistance. Mais oui, collabo le matin, résistant l'après-midi. Aujourd'hui encore, il est une énigme. Pourtant, son histoire agit comme un rappel douloureux à nos faillites collectives. Jusqu'où peut-on aller pour sauver sa peau? Et aussi, et peut-être même surtout, comment se réapproprier l'histoire d'un personnage aussi ambigu? Notre invité aujourd'hui, Grégory Auda, archiviste et historien, auteur des belles années du milieu 1940-1944, paru en 2013 chez Michalon. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Guillaume Ballandras, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnant, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Vendredi 5 décembre 1947, Paris. Mais sur les trottoirs, des travailleurs pressés s'activent et s'agglutinent dans les rames du métro. Par grappes, ils s'accrochent aux rambardes dans un balai millimétré, engoncés dans leurs épais manteaux. Tous redoutent l'hiver qui s'annonce et son lot de pénuries, charbon, pain, viande, bois. On manque de tout en ces lendemains de guerre. C'est l'heure des tickets de rationnement, de l'inflation et du marché noir. Alors on bricole, on troque, on combine. Surtout que Noël arrive. Il s'agira du troisième Noël depuis la victoire des Alliés. Mais malgré l'optimisme des autorités de la toute nouvelle 4e République et ses grands plans de relance, le redémarrage est laborieux. Même le commentaire des actualités françaises ne peut cacher de l'ambiance morose qui règne dans le pays. Bien sûr, il y aura cette année, comme toutes les années, l'image d'une crèche dans les églises et dans les vieux villages du Rhône qui ont gardé leurs coutumes. Mais Noël, ce n'est pas cela seulement. Noël, c'est croire à Noël. Croire à Noël comme les enfants qui attendent chaque année le miracle de cette nuit magique. Croire à Noël. Aujourd'hui, bien sûr, c'est difficile. C'est difficile quand le feu des hommes a passé sur le monde. Difficile quand la crise des prix atteint même les rêves des enfants. Difficile quand une sorte de colère dresse les peuples et les hommes les uns contre les autres. Difficile quand le pain est plus rare dans le monde. Difficile quand le charbon manque partout. Difficile quand la moitié de l'Europe couche encore dans les ruines de ses maisons mortes. À Paris comme ailleurs, on se réveille à peine d'un long cauchemar qui a duré 6 ans. Croire à Noël ressemble donc encore à un vœu pieux. Personne n'a oublié les millions de morts, l'exode, les familles déchirées, l'insupportable présence du vert de gris ou du noir de la Gestapo. Heureuses sont les générations qui n'ont pas connu cette horreur. Alors forcément, le cauchemar est encore dans les têtes, un souvenir qui hante. Même si on se rassure en se disant que tout est fini, qu'il faut aller de l'avant, l'actualité est presque entièrement centrée sur les plaies de cette guerre qu'il faudra bien refermer. Ainsi, dans les kiosques à journaux, les portraits et les noms des anciens collabos s'affichent en une. Après l'épisode chaotique de l'épuration, ses 10 000 morts et ses tondus en place publique, on cherche maintenant à présenter les traîtres devant les tribunaux. Le premier d'entre eux, Philippe Pétain, est condamné à mort en août 45. Le procès s'achève et c'est l'heure du réquisitoire. Le procureur général Mornay, qui fut le lieutenant Mornay du temps de Clémenceau, requiert pour Pétain la peine qu'il requérait pour les traîtres à l'autre guerre. D'abord, c'est l'heure des jurés. Pendant les longues audiences de ce long procès, ces hommes ont entendu se découvrir, se développer, s'expliquer le cas Pétain. C'est à eux maintenant de parler. Pétain est-il coupable? Les jurés ont parlé. Oui, Pétain est coupable. Oui, Pétain mérite la mort. L'ancien chef de l'État, l'ennemi de la République, frappé d'indignité, voit sa condamnation à mort commuée en peine de prison à perpétuité. Il vit désormais enfermé dans une cellule sur l'île Dieu. Pourtant, les Français le savent, Pétain, c'est l'arbre qui cache la forêt. En cette fin d'année 1947, en effet, ils sont encore nombreux, les traîtres et les médiocres, qui ont profité de cette période de l'occupation pour satisfaire leurs pires instincts et qui vivent en cavale, ou même tranquillement, pour certains. Pour les autorités, l'objectif est simple, les arrêter un par un. De l'ancien fonctionnaire zélé jusqu'au dernier des petits malfrats, tous devront répondre de leur ignominie devant la justice. Parmi eux, il en est un qui fascine particulièrement le public, un certain Joannovici, prénom Joseph. Ce 5 décembre, voilà une semaine à peine qu'il s'est rendu à la police après une cavale de plusieurs mois. Dans les cafés, on ne parle plus que de lui. Il faut dire que cet ancien ferrailleur de 42 ans est une anomalie au sein de la liste des collabos. Et pour cause, il est juif. Né dans l'Empire russe, il aurait fait fortune pendant l'occupation grâce à ses contacts au sein du pouvoir nazi. De là est né son surnom, le chiffonnier milliardaire. Mais surtout, Joannovici aurait fait partie d'un réseau de la résistance intérieure. Oui, juif, collabo et résistant. Débrouillez-vous avec ça. Son histoire est connue du grand public depuis 9 mois, grâce à la longue enquête menée par 5 journalistes de François, enquête parue le 18 mars 1947. Un mandat d'arrêt a été prononcé et Joannovici a aussitôt pris la fuite pour l'étranger. Les Français font donc connaissance avec ce mystérieux combinard. Recherché depuis la libération par 4 juges d'instruction, l'homme, dont la fortune est évaluée à 4 milliards, n'a jamais été sérieusement inquiété. C'est qu'il a, à la préfecture de police, de puissants protecteurs. Agent double, trafiquant enrichi par le commerce avec l'ennemi, collaborateur intime des pires sbires de la Gestapo, il avait, pendant l'insurrection de Paris, fourni des armes aux défenseurs de la préfecture. On s'attend à des développements sensationnels. Comme promis, les développements sensationnels ne se font pas attendre. De mars à novembre 1947, pendant toute la cavale de ce monsieur Joseph, les articles retraçant son parcours pendant la guerre se succèdent. Assortis de la question, où est-il passé? Durant ces 9 mois, les hypothèses les plus folles circulent. On dit qu'il est en Belgique, en Amérique latine ou tout simplement à Paris, côté Montmartre. Et puis fin novembre, coup de théâtre. La DST annonce avec tambours et trompettes que Joannovici va se rendre le 26 à la frontière franco-allemande. Pourtant, le soir même, il est introuvable. 2 jours plus tard, le 28, il débarque comme une fleur à la préfecture de police de Paris, où il a encore de nombreux amis, avec comme excuse une panne de voiture. Pour la DST, le camouflé total. Et depuis, les questions se bousculent. Mais enfin, comment a-t-il échappé aussi longtemps à la justice? Et surtout, comment un orphelin illettré né aux confins de l'Europe est-il devenu l'une des figures majeures de la collaboration économique en France? Pour tenter d'y répondre, Joannovici est convoqué dans le bureau du juge Gagne. Ce 5 décembre 1947, il est conduit au palais de justice. Visage rond, silhouette bedonnante et regard jovial, Joanno, comme on l'appelle, sort de l'attraction avant comme une vedette. À le voir serrer les mains des fonctionnaires dans la cour du palais de justice, on pourrait presque croire qu'il est un dignitaire en visite. Oui, il plaisante, il rigole. Pourtant, les charges retenues contre lui sont sérieuses. Corruption de fonctionnaires, contrebande, trafic de devises, intelligence avec l'ennemi et haute trahison. Rien que ça. Dans un grand bureau du dernier étage, face au juge Gagne, Joanne commence son histoire. Je suis né à Kishinev, en 1905, le 20 février, dit-il avec son accent si particulier. Au début du siècle, Kishinev, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Chisinau, n'est pas encore la capitale de la Moldavie. Non, c'est alors une ville de l'Empire russe, située sur le territoire de la Bessarabie, l'une des rares villes où les Juifs ne vivent pas dans un ghetto, mais dans les faubourgs, autour du centre. Joseph déroule alors une enfance marquée par les traumatismes, la promiscuité avec ses parents et ses quatre frères, la pauvreté, mais surtout l'antisémitisme et les pogroms. Ainsi, chaque printemps, les soldats impériaux débarquent dans les quartiers juifs. Réglés comme des métronomes, ils massacrent à vue les habitants sur ordre du tsar Nicolas II. D'ailleurs, quelques années à peine après la naissance de Joseph, c'est bien ce qui arrive. Ses parents sont exécutés par les soldats russes. À peine né, le voilà déjà orphelin. Après ce drame, les frères Joanovici sont recueillis par les amis de la famille. À l'âge de 12 ans, Joseph est mis au travail et apprend les bases de la récupération de matériaux. Et très vite, le métier n'a plus de secret pour lui. En 1919, la Bessarabie est rattachée à la Roumanie. Joseph devient donc roumain. En 1925, il a 20 ans, il se marie avec une fille du coin, Anna Schwartz. Pourtant, le jeune homme se sent à l'étroit dans ce pays qui ne veut pas de lui. Il rêve de cieux plus cléments à l'ouest, en France, loin, très loin de Kishinev. Et justement, quelques années après la fin d'une première guerre mondiale qui avait décimé le pays, Paris connaît une vague d'immigration juive venue d'Europe centrale, comme le rappelle ce reportage de Géopolis diffusé en 1993 sur France 2. À partir des années 20, des immigrés originaires de pays non frontaliers s'introduisent en grand nombre pour la première fois en France. Paris accueille des Arméniens chassés par le génocide, mais aussi une grande vague d'immigration juive d'Europe centrale. Et puis des Roumains, des Russes et surtout des Polonais. Les Juifs polonais sont tailleurs, cordonniers et parfois ouvrent de petits restaurants dans le Marais et à Belleville. Après les Italiens, les Polonais, Juifs ou non, deviennent la deuxième communauté étrangère. En 1926, les étrangers sont 270 000, soit 9% de la population parisienne. La carte de leur localisation montre qu'ils occupent surtout les arrondissements ouvriers du Nord. À l'été 1925, au beau milieu des années folles, les Joanovici débarquent à Paris et s'installent dans un immeuble bidonville de la Petite Couronne. Illettré, Joseph ne parle pas un mot de français. Néanmoins, il réussit à se faire embaucher par un immigré polonais et commence à travailler comme chiffonnier. Les débuts sont laborieux. Joseph fait le tour des chantiers de la capitale où il récupère des petites quantités de chiffons et de métaux. Gouailleur et téméraire, il apprend vite les bases de la langue et réussit à se rendre indispensable. Ses premiers francs en poche, le couple déménage dans le 17e arrondissement de Paris. En 1933, 8 ans après son arrivée, Joseph se met à son compte et crée une société de récupération de métaux, les établissements Joanovici. Pourtant, le contexte économique est loin d'être idéal. Car au début des années 30, le monde s'enfonce dans une crise profonde. De l'autre côté du Rhin, Hitler vient d'accéder au pouvoir, assoiffé de revanche militaire. Le spectre de la guerre plane à nouveau sur toute l'Europe. Du côté du gouvernement français, on se prépare au pire. Sous l'égide du ministre de la Guerre, une ligne de fortification est construite le long de la frontière, la fameuse ligne Maginot. Réputée infranchissable, elle est censée protéger le territoire d'une attaque éclair de la Wehrmacht, comme le rappelle cet ancien officier au micro de l'ORTF en 1965. Eh bien, la mission de la ligne Maginot en 1940 était d'abord la couverture des opérations de mobilisation et de concentration de nos armées de campagne. Nous vivons, et nous vivions déjà à cette époque-là, dans un régime démocratique. L'armée n'était pas tenue en alerte en permanence et la mobilisation prenait 3 semaines. Il fallait que pendant ces 3 semaines, les axes qui permettent d'accéder à Paris le plus rapidement possible, pour, venant de l'autre côté du Rhin, soient couverts pendant que les régiments et les corps d'armée se concentraient en arrière. Ça, c'est la mission prioritaire de la ligne Maginot. Certains y voient le début des ennuis, mais pas Joanovici. Pour lui, au contraire, il s'agit plutôt d'un marché qui s'ouvre. Car il le sait, la construction des ouvrages fortifiés requiert des tonnes de métal. Alors Monsieur Joseph, comme on commence à le surnommer, le truculent petit patron, ne compte pas ses heures et devient l'un des principaux fournisseurs du ministère. Grâce à cette intuition, Joan Novici connaît une ascension fulgurante. 15 ans à peine après son arrivée en France, le rescapé de pogrom est déjà millionnaire. Et une nouvelle vie s'offre à lui. Il quitte Anna pour Lucie Schmitt, sa secrétaire, s'installe dans le très huppé quartier de l'Étoile. Et surtout, il enrichit son réseau et commence à fréquenter la bourgeoisie parisienne. Voilà, l'orphelin immigré juif qui a fait fortune, la belle histoire, le récit idéal aurait pu s'arrêter là. Oui, mais en septembre 39, l'Allemagne d'Hitler envahit la Pologne et le monde s'apprête à basculer dans l'horreur. Avec les Jeux d'Alliance, la France et la Grande-Bretagne entrent à leur tour en guerre. Après une période étrange et surtout dramatique, qui dure 9 mois, une période baptisée drôle de guerre, le 10 mai 1940, l'offensive allemande débute. Malgré les promesses, la ligne Maginot est contournée sans peine par les blindés allemands. Pour l'armée française, c'est la débâcle. Le 22 juin, l'armistice est signé par le chef du gouvernement, un officier de 85 ans, qu'on a ressorti de la naphtaline quelque temps plus tôt, Philippe Pétain. Dans la foulée, le 10 juillet, une assemblée nationale pétrifiée lui vote les pleins pouvoirs. Le vieillard devient alors le visage d'une France rabougrie et humiliée. Son projet politique tient en un mot, collaboration. Ainsi, dès son arrivée au pouvoir, fait-il voter une loi scélérate sur le statut des Juifs, une loi d'exception qui montre bien que la République est morte. On parle alors sans sourciller de la question juive, à l'image de ce film de propagande appelé Les Corrupteurs. Je hais les mensonges qui nous ont fait tant de mal, a dit notre maréchal. Ceux qui ont corrompu notre peuple, ceux qui propagent aujourd'hui encore le mensonge, ce sont toujours les mêmes, les Juifs. Ils seront expulsés de la communauté nationale, quelle que soit leur ruse, pour y rester incrustés. Au détriment de la jeunesse française, cette race étrangère avait accaparé toutes les places importantes, toutes celles dont dépendait l'activité du pays. Ces places sont libres, elles reviendront à la jeunesse française. Dans Paris occupé, les drapeaux nazis flottent sur les bâtiments officiels. Le long des grands boulevards, les gens baissent la tête et comptent leurs tickets de rationnement. La presse est muselée, les lettres de dénonciation pleuvent. C'est l'heure du « Je suis partout », journal collabo, l'heure du marché noir et des passions tristes. Pour les 200 000 juifs qui vivent dans la capitale, c'est la panique. Désormais flanqués d'une étoile jaune, les voilà sous l'autorité du responsable du commissariat général aux questions juives, un organisme administratif chargé de préparer et d'appliquer la politique discriminatoire. Dirigé par Louis d'Arquette-Belpois, cet organisme obéit directement aux ordres des généraux allemands, comme le montre ce reportage de propagande, au ton obséquieux, au moment où les autorités françaises reçoivent l'un des grands psychopathes du pouvoir nazi, l'un des pires, le sanguinaire Heydrich, le préféré d'Hitler. Paris. Arrivée de M. Heydrich, général des SS, chef de la sûreté, chargé par le chef des SS et de la police allemande, M. Himmler, d'installer dans ses fonctions M. Oberg, général de division des SS et de la police en territoires occupés. Le général a profité de son séjour à Paris pour recevoir M. Bousquet, secrétaire général à la police, et M. Hiller, secrétaire général à l'administration. M. Heydrich a également pris contact avec M. d'Arquier de Pellepoix, qui vient d'être nommé commissaire général aux questions juives, ainsi qu'avec M. de Brinon. Parmi toutes les missions du commissariat aux questions juives, il y a la vente ou la liquidation des entreprises juives. Les établissements Joan Novici sont donc dans le collimateur des autorités. Mais pour Joseph, hors de question. Surtout qu'il a une nouvelle intuition. Si la guerre était une opportunité formidable pour les affaires. Oh, il n'est pas le premier à y penser, les profiteurs de malheur sont nombreux. première étape. Il arianise, comme on dit alors, il arianise son établissement. D'abord avec un nom passe-partout, les établissements Joanovici deviennent ainsi la société de triage et de récupération. Ensuite, grâce à son imposant carnet d'adresses, Joseph place des hommes de paille au-dessus de tout soupçon dans le conseil d'administration. Et il ne va pas s'arrêter là. Pour être moins vulnérable, Joanovici veut supprimer toute mention de sa judéité auprès de l'administration. D'ailleurs, il dispose de fausses attestations délivrées par l'ambassade de Roumanie, ainsi que d'un atout anatomique. Il n'a pas été circoncis. Et ça marche. Le certificat est délivré par le commissariat aux questions juives. Pour les autorités, le voilà un chrétien orthodoxe. Il peut donc déambuler en ville sans craindre les persécutions et chercher de nouveaux marchés pour sa société. Et il en tient qu'il convoite plus que les autres. Un marché qui le ferait devenir milliardaire, devenir le fournisseur principal en métaux de l'armée allemande. Affaires sensibles. Fabrice Drouet. Pourquoi, madame, regrettez-vous l'avril qui fut si doux? Pourquoi, monsieur, cet air guindé, ce ton réfrigéré? Détentez-vous un tout petit peu heureux, celui qui veut. Nous avons tous une usine en plein cœur qui forge du bonheur. On s'éveille en fredonnant une chanson. C'est que ça va, ça va, ça va. Y a du soleil qui pointe à l'horizon. C'est que ça va, ça va, ça va. Ce petit refrain devient une obsession. C'est que ça va, ça va, ça va. Et dans la rue tout le monde chante cet air-là. C'est que ça va bien comme ça. Souci d'argent, chagrin d'amour ne dure pas toujours. Pourquoi voir la vie à l'envers et en faire un enfer? Exigez trop, discutez tout, on n'en voit pas le bout. Y a des oiseaux dans le parc, mon souris, qui se moquent de vos ennuis. On s'éveille en fredonnant une chanson. C'est que ça va, ça va, ça va. Y a du soleil qui pointe à l'horizon. C'est que ça va, ça va, ça va. Ce petit refrain devient une obsession. C'est que ça va, ça va, ça va. Et dans la rue tout le monde chante cet air-là. C'est que ça va bien comme ça. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, bon, bon, oui, ça va. Ça va, ça va, ça va. Et dans la rue, tout le monde chante cet air-là. C'est que ça va bien comme ça. C'est que ça va bien comme ça. Paris 1941. Voilà près d'un an que la France a abdiqué face à la Wehrmacht. Dans les rues, le claquement des bottes des soldats allemands résonne. On les appelle alors les Fritz, les Schleu, les Bosch. Sur leur passage, il faut baisser la tête. Les Parisiens vivent un quotidien d'humiliation permanente, imposé par une armée étrangère toute puissante. Il faut dire que l'occupant applique une stratégie d'exploitation économique impitoyable. Réquisition, livraison de produits hexagonaux de l'autre côté du Rhin, tout est fait pour aspirer les richesses du pays. Mais ce n'est pas tout. Au titre des frais exorbitants d'entretien des troupes nazies réglés par l'État français, les soldats allemands disposent de généreux bons d'achat, un réservoir financier tellement important qu'il semble infini. Ainsi, pendant que les Parisiens se battent pour une boule de pain ou un ticket de rationnement, l'occupant emmène grand train, comme le racontent ces anciens soldats de la Wehrmacht qui témoignent dans ce film de Barbara Netschek. J'achetais du parfum. Ça s'appelait Soir de Paris. Tous les soldats achetaient ça à l'époque. C'était un flacon bleu avec des étoiles. Goldstern. Franchement, je ne me souviens même plus si ça sentait bon. Mais le flacon, il était très joli. Il n'y avait pas un seul soldat qui n'ait pas au moins une fois envoyé des bas de soie dans une lettre à sa petite amie. C'était le grand luxe. Il fallait absolument qu'on découvre les grands magasins. Aux trois quartiers... Et les galeries Lafayette. C'était une vraie aventure pour nous. Nous ne connaissions pas les grands magasins comme ça. On était habitués aux petits épiciers du village. Nous étions très contentes de découvrir des fruits exotiques qui venaient de pays lointains. Les bananes, on n'en avait jamais mangé. Du côté de la commandante Tour, avec cette manne financière, on se met à convoiter autre chose que des bas de soie, des parfums ou des bananes. Certains commencent à rêver d'or, de cuir ou de métaux. Oui, mais voilà, un problème légal se présente. Pour limiter le pillage de son industrie, le gouvernement de Vichy a interdit la vente directe de matières premières entre l'armée allemande et les entreprises françaises. Eh bien, qu'à cela ne tienne, les officiers du renseignement nazi, l'Abwehr, décident de contourner la loi et d'organiser un marché parallèle. Ainsi, des lieux de rencontre sont mis en place entre dignitaires allemands et patrons français peu scrupuleux. Les bureaux d'achat. Un dispositif gagnant-gagnant. D'un côté, des soldats prêts à dépenser des sommes colossales, de l'autre, des chefs d'entreprise qui peuvent vendre leurs marchandises au prix fort. En quelques mois, le nombre de transactions explose. À la fin de l'année 41, les bureaux d'achat pullulent dans la capitale. Le plus important d'entre eux s'appelle le bureau Otto. Dirigé par Hermann Brandl, alias Otto, il n'a de bureau que le nom d'ailleurs, c'est une véritable multinationale du pillage. À lui seul, il emploie plus de 400 personnes et dispose de plusieurs hectares de bâtiments dans le nord de la capitale. Pour Joanovici, l'opportunité est trop belle. Et une fois de plus, donc, Monsieur Joseph active son réseau. Au début de l'année 42, il rencontre les responsables du bureau Otto à l'hôtel Majestic. La tentative de séduction fonctionne. Et très vite, les affaires débutent entre le petit entrepreneur juif et les officiers de l'Abwehr. Bientôt, les métaux qu'il fournit à l'occupant partent de l'autre côté du Rhin par wagons entiers. Pour le faire ailleurs, les marges sont démentielles, plus de 5 fois le prix du marché et les quantités inédites. En quelques semaines, il devient l'un des piliers du bureau. Il crée même plusieurs sociétés communes avec des responsables de l'établissement, dont Otto lui-même. Devenu chiffonnier milliardaire, Joanovici joue donc un rôle majeur dans la collaboration économique. Et bientôt, il passe à la collaboration politique. Grâce à ses succès, Joanovici est introduit dans les cercles de pouvoir des forces d'occupation. Ainsi, en 1943, il se lie d'amitié avec l'un des chefs de la Gestapo de la rue Lauriston, un certain Henri Chamberlain, dit Lafont, le sinistre Lafont. Baptisé le parrain de la Gestapo, c'est un ancien truand parisien, venu à la collaboration un peu par hasard, et beaucoup par opportunisme, comme il le racontera plus tard à son avocat. Au début, cette histoire d'Allemand ne me plaisait guère. Si les gars d'en face, les résistants, m'avaient proposé quelque chose, je l'aurais fait, il n'y a pas de doute. Et je n'aurais pas fait de cadeau aux Fritz. Seulement voilà, à l'époque des résistants, j'en ai pas connu, j'en ai pas vu la couleur. Je savais même pas ce que c'était. C'est à cela que tient le destin d'un homme, un petit hasard, une histoire d'aiguillage. Ou alors, c'est la fatalité. Fatalité ou pas, Henri Lafont, la lie du pays, est associé au sein de la Gestapo à un policier au regard sale, un certain Pierre Bonnet. Flics et voyous réunis sous le même brassard, cruels, violents, ils organisent au quotidien le vol, la torture ou le meurtre des résistants qu'ils rencontrent. Entre gangstérisme et affairisme, l'officine de la rue Lauriston symbolise bien l'atmosphère poisseuse de l'époque. De son côté, grâce à sa formidable capacité d'adaptation, le caméléon Joanovici devient rapidement l'un des hommes de confiance de Lafont et de Bonny. Cette proximité avec les deux monstres le mouille jusqu'au cou. Désormais détenteur d'une carte de police allemande et d'un droit de port d'armes, il se voit confier différentes missions, comme par exemple la revente des bijoux saisis au fil des perquisitions. Bref, ses affaires ne se sont jamais aussi bien portées. Oui, mais jusqu'à quand ? Car dès le milieu de l'année 43, de nombreux collaborateurs commencent à faire des cauchemars. Et si l'occupation s'arrêtait ? C'est que, depuis quelques semaines, le vent tourne. Les États-Unis ont redoublé leur effort de guerre et la Wehrmacht vient de subir une lourde défaite contre l'armée rouge à Stalingrad, premier vrai tournant de la guerre. En France, malgré le zèle de la Gestapo, la résistance intérieure se met en place. En mai 43, son Conseil national organise sa première réunion et les opérations de sabotage se multiplient. Peu à peu, l'optimisme gagne l'opinion. Une victoire des Alliés semble à portée de main, en tout cas possible. Monsieur Joseph, de son côté, a déjà assuré ses arrières. Lui, les amis des sbires de la Gestapo et de l'Abwehr, s'est engagé très discrètement dans la résistance, oui, depuis près de 2 ans. Dès juillet 41, son nom, effectivement, apparaît parmi les 30 000 membres recensés du réseau de résistance intérieure, Turma. Au départ, simple informateur, M. Joseph décide en cette année 43 d'aller plus loin. Il commence à financer plusieurs mouvements clandestins, dont le célèbre Honneur de la police. Bien évidemment, cela n'empêche pas de poursuivre ses affaires avec l'occupant allemand. La duplicité porte un nom, Joanovici. Chose rare, le ferrailleur n'est pas de ceux qui sont passés de la collaboration à la résistance. Non, il était les deux en même temps. Il est par exemple capable d'équiper 300 Nord-Africains recrutés par la Gestapo française pour tuer des maquisards, tout en stockant des armes à Paris pour la résistance. Un numéro d'équilibriste qu'il tient jusqu'en juin 44. Car le premier mardi de ce mois, le 6, c'est le débarquement des Alliés en Normandie, second tournant de la guerre. Bientôt, les forces alliées fondent sur la capitale. Pour la majorité des Français, l'espoir renaît. Au flanc du fameux mur de l'Atlantique, les Alliés ont pratiqué déjà une large brèche. Aujourd'hui, tout un pan de la forteresse européenne est démantelé. Avec chaque marée favorable, les Français ont vu arriver dans le Cotentin des renforts et du matériel nouveau, toujours plus puissant. La bataille des plages est gagnée. Les Allemands disent qu'il y a déjà 400 000 soldats alliés sur le sol de France. Dans ces blocos éventrés, on a trouvé beaucoup d'Allemands morts. Quelques-uns d'entre eux avaient été tués par le souffle des obus de marine. Les survivants ont été soignés par le service de santé allié. Ils peuvent se vanter de l'avoir échappé belle. Parmi les prisonniers se trouvaient encore quelques arrogants qui n'ont pas compris qu'il faut lever les bras pour autre chose que pour le salut nazi. Les prisonniers ont été conduits en Angleterre dans des barges de débarquement. Il y a 4 ans, tous ces gens-là chantaient à gorge déployée « Et nous irons en Angleterre ». Ils y sont, et derrière les barbelés. À Paris, de nombreux collaborateurs eux aussi de chanter. À l'image de Lafont et Bonny, les deux complices de la rue Lauriston des Kerpis à la campagne. Joanovici, lui, décide de rester. Et pour éviter les ennuis à venir, il fait ce qu'il sait faire de mieux, il s'adapte. Son activité clandestine redouble. Il rompt tous les liens avec l'armée allemande et s'investit de plus en plus au sein du groupe Honneur de la police. Ainsi, Monsieur Joseph devient Spass, son alias de résistant. 2 mois après le débarquement, le 19 août, alors que de nombreux Parisiens prennent les armes, il se glisse sans peine dans la peau de l'insurgé. Il fournit mitraillettes, munitions et joue un rôle décisif dans la prise de la préfecture de police. Le 25 août 44, Paris est libéré. Dans les rues, une immense liesse populaire accompagne le défilé des vainqueurs. Pour affirmer sa nouvelle allégeance et faire oublier l'ancienne, Joanovici, ou plutôt Spass, dénonce ses anciens amis de la Gestapo. Et il fournit aux autorités l'adresse et un plan exact de la ferme du Loiret dans laquelle se sont enterrés Bonny et Lafont. Quelques jours plus tard, le 31 août, les deux collabos sont cueillis par la police. Lors de leurs aveux, ils remettent en cause le ferrailleur. Joanovici est arrêté le 3 novembre, puis rapidement remis en liberté au nom des services rendus à la résistance. 10 mois plus tard, le 2 septembre 1945, à Paris, les juges d'instruction commencent un long travail d'enquête autour des réseaux de collaboration. Et dans les procès-verbaux, un nom revient régulièrement, Joseph Joanovici. Pourtant, il n'est pas inquiété. pire encore, il continue de mener une vie de pacha. À la préfecture de police de Paris, M. Joseph bénéficie même d'un bureau ainsi que deux policiers affectés à la gestion de ses affaires personnelles. Et une fois de plus, le chiffonnier milliardaire peut compter sur son réseau tentaculaire. Mais son histoire commence à circuler. Et le 17 novembre 1945, un article de François évoque pour la première fois le double jeu du personnage. Et même si son nom n'est pas cité une seule fois, tous ceux qui le fréquentent le reconnaissent immédiatement. Il est juge à Paris. C'est un magistrat de la vieille école qui tient à l'honneur de paraître 10 ans de plus que son âge. Pendant la guerre, est venu s'installer dans le luxueux appartement du premier étage un marchand de ferraille devenu gros fournisseur de l'armée allemande. Assis devant son assiette de rutabaga, le juge entendait arriver les autos de la commande d'Atour qui amenaient les invités en uniforme vert au dîner en musique de son voisin. Notre magistrat n'a pas le caractère emporté. Il incline plutôt à l'indulgence. Pourtant, à la Libération, il se dit « on va enfin rire un peu ». Et quand il rencontrait son voisin dans le couloir, il le toisait de haut, sévère. L'autre, jaune, multipliait les saluts qui restaient sans réponse. On commença à châtier les collaborateurs. Notre juge se fit les dents sur quelques miliciens obscurs. Les mois passèrent. Le voisin du premier reprenait des couleurs et commençait même à ricaner. Il reprit ses dîners en musique. D'autres autos amenèrent d'autres invités. Parfois, ces autos portaient des plaques tricolores. Malgré les plaques tricolores qui défilent chez lui, le ferrailleur devient vite encombrant et ses protections s'effritent. Un an et demi après la fin de la guerre, le 3 mars 1947, un mandat d'arrêt est enfin délivré. Mais comme on pouvait s'y attendre, Joannovici est prévenu par l'un de ses contacts, il fuit immédiatement à l'étranger. Dans la foulée, la presse se lâche. Et comme nous l'avons raconté au début de ce récit, une longue enquête est publiée dans François. Et enfin, le grand public découvre ce personnage sulfureux. Le feuilleton médiatique commence. Il durera aussi longtemps que sa cavale, 9 mois. Le 28 novembre 1947, Joanneau se rend finalement à ses anciens collègues de la préfecture de police de Paris. Il est arrêté, puis placé en détention à la prison de la Santé. Un peu moins de 2 ans plus tard, le 5 juillet 1949, son procès s'ouvre au tribunal de Paris. Sa ligne de défense est claire. Il a collaboré, oui, mais seulement pour financer la résistance. Pendant les débats, ses interventions bravaches marquent les esprits. « Je n'étais pas vendu aux Allemands, dit-il, puisque c'est moi qui l'ai payé. » La stratégie ne fonctionne qu'à moitié. Il écope de 5 ans de prison. Libéré en 52, il tente de se refaire, sans succès. 13 ans plus tard, le 7 février 65, Joseph Joannovici, dit Monsieur Joseph, alias Spass, meurt sans un sou dans son modeste 2 pièces de Clichy, entouré de sa fidèle secrétaire Lucie Schmitt et de ses certificats de résistants. Alors, que retenir de l'étrange itinéraire de cet homme ? Peut-être incarne-t-il mieux que quiconque le double, voire triple jeu qu'ont mené certains Français pendant ces années noires. Un pendule déréglé qui a oscillé constamment entre l'adaptation, la révolte et la complicité. Son destin pose aussi l'une de ces questions qui restent éternellement sans réponse. Que fallait-il faire contre les Allemands ? Résister ? Attendre ? Monsieur Joseph, lui, avait une réponse toute trouvée. « Moi, disait-il, j'ai fait fortune. » Voilà le printemps, les fleurs jolies. Tout le monde a l'air d'aimer la vie. Crois bien qu'il y a que moi qui aime pas le soleil, c'est pas de ma faute, il me donne sommeil. À quoi que ça sert le soleil qui brille, puisque l'hiver il s'éparpille, madame la pluie vient le remplacer, sûrement qu'il doit être fatigué. L'été, l'hiver, c'est embêtant. Partir, rester, c'est énervant. Qui fasse quelque chose, mais qui se décide. Y en a trop, un qui se suicide. C'est comme les hommes, c'est monotone. Moi, j'en ai deux à qui je me donne. Y en a un qui me rendra marteau, l'autre c'est lui qui m'a dans la peau. C'est compliqué cette existence, et dans mon cœur deux hommes dansent. Je sais que je devrais m'en aller, mais je peux pas voir un homme pleurer. L'amour les pleure, c'est embêtant, partir rester. C'est énervant, qui fasse quelque chose, mais qui se décide, qui en a un trop, un qui se suicide. Mon ciel est tout couvert de pluie, je commence à détester la vie. Pourquoi j'aime celui qui ne faut pas, je me demande comment ça finira. L'été, le soleil, l'hiver, la pluie, l'amour, les pleurs et puis la vie. Je n'en peux plus, j'en ai assez. Je voudrais dormir pour plus penser. Mais pour se coucher, c'est embêtant. Sommeil, réveil, c'est énervant. La vie et moi, faut qu'on se décide. Soit qu'elle est trop, qu'elle se suicide. Vous écoutez Affaires Sensibles. Aujourd'hui, le cas Joannovici, juif, collabo et résistant, donc un vrai cas dont nous allons parler avec notre invité Grégory Oda. Bonjour. Bonjour. Vous êtes archiviste et historien et vous êtes l'auteur du livre « Les belles années du milieu 1940-1944 » publié en 2013 chez Michalon. Vous y racontez l'histoire du grand banditisme dans la collaboration. Alors, les Français découvrent l'histoire de ce Joseph Joannovici en 1947. Dans quel état d'esprit se trouvent-ils les Français à ce moment-là? Est-ce qu'on est encore dans l'épuration? On est 2 ans après la guerre. On est encore en tout cas dans la période où on doit solder cette période. La preuve d'ailleurs, cette affaire, il y en aura d'autres d'ailleurs. Ça a été évoqué également dans le reportage, les tickets de rationnement continuent jusqu'en 49, les traces de la guerre sont encore là. Donc cette affaire, elle arrive à un moment, évidemment on n'est plus dans le au moment le plus chaud, au 44. Hein, par exemple, on a évoqué Lafont, il est attrapé en août 44, il est exécuté en décembre 44. Bon, une instruction est claire. Hein. Là non, la justice... Faut dire qu'il était indéfendable. Il était indéfendable, cela étant dit, ça reste surprenant. Sur une affaire pareille, on aurait pu attendre à quelques mois, voire quelques années d'instruction. Ça reste curieux et en tout cas assez suspect que Lafont ait été exécuté aussi rapidement. Là, en l'occurrence, on est en 47, vous l'avez dit, on est dans un temps où la justice fait son œuvre. D'ailleurs, Joannovici sera condamné 2 ans plus tard à l'indignité nationale et à, je crois de mémoire, 600 000 francs d'amende et 50 millions de saisies sur ses biens. Ça veut dire fini les règlements de compte anarchiques, maintenant c'est la justice qui s'en occupe. Oui. Lafont a été condamné. C'est le ce principe. Que mais effectivement, on est dans le temps de la justice. Mais cette justice doit passer et les Français attendent effectivement qu'elle passe. Avec Joannovici, on a un personnage qui évidemment saisit l'opinion publique. Vous l'avez évoqué. C'est un cas tout à fait particulier. Juif, collabo, un peu résistant, beaucoup collabo, un peu résistant encore. Bon, c'est compliqué à juger. Le fait est que il a largement profité durant l'occupation. Le fait est également qu'il il était sur une ligne de crête pendant toute la période. C'est son choix, hein. Ça ne l'exonère en rien. Mais clairement, pendant toute la période, il a dû faire face à des dangers multiples, à la fois du côté des Allemands, du côté de ses copains, qui n'étaient pas vraiment des copains de la Gestapo, qui en fait le taxaient. Mais... il se faisait taxer par tout le monde, en fait. Donc son activité lui permettait de survivre. Et en même temps, il a bien vécu. Bon, c'est un personnage complexe. Alphonse Boudard a écrit un bouquin sur lui, le qualifiant d'étrange, l'étrange Monsieur Joseph. Je crois que ça le caractérise bien. Effectivement, un personnage particulier. Alors au départ, il est constamment comparé à Stavisky, un escroc qui a donné son nom à l'un des plus grands scandales financiers du XXe siècle. C'était sous la Troisième République et ça a boosté d'ailleurs les mouvements fascistes des années 30 contre cette République qu'ils estimaient complètement corrompue. Bref, je ne suis pas certain que la comparaison soit pertinente, mais elle existait. Qu'en pensez-vous ? Non, le lien, il est tout trouvé. On est face à deux personnalités juives. Après, par contre, d'un côté, on est sur une affaire financière, une escroquerie sur des bons bancaires. De l'autre côté, on est sur des affaires commerciales. D'un côté, la République est compromise. De l'autre côté, absolument pas. Pour le coup, c'est tout le système de la collaboration qui est mis à jour, qui est en fait un système, et c'est ça qui, en fait, s'il faut retenir quelque chose, qui est un système qui, en fait, aboutissait à la ruine définitive de la France. C'est ça qui est le plus saisissant. Ça a été évoqué rapidement dans le reportage, mais les frais d'occupation qui étaient imposés à la France au titre de la convention d'armistice signée en juin 40 était de 20 millions de Reichsmark par jour. 20 millions de Reichsmark avec un taux de change du Reichsmark qui avait été arbitrairement fixé par les Allemands, qui évidemment avaient toute la latitude pour le faire à ce moment-là, à 20 francs. À 1 Reichsmark pour 20 francs. Ça veut dire 400 millions de francs par jour. Cette somme, elle a évolué pour aboutir à 530 millions à la fin de la période. Donc, en tout, il y a 650 milliards à peu près de francs qui sont partis comme ça. Cet argent, les Allemands... qu'est-ce que vous voulez qu'ils en fassent ? Ils s'en fichent de cet argent papier. Par contre, leur ligne de crédit à la Banque de France, ça les intéresse beaucoup. Et en fait, ils vont réinjecter tout cet argent dans l'économie française pour pouvoir racheter tous les stocks. Et des gens comme Joannovici prennent à ce moment-là toute leur importance, parce qu'ils sont précisément des têtes de pont, ils sont des spécialistes. Pour ça. Voilà, c'est-à-dire que Joannovici va prendre un rôle dans ce pillage. On estime, grosso modo, que le bureau pour lequel il a travaillé principalement, il n'a pas travaillé que pour lui en plus, le bureau Otto, du fameux Hermann Brandl, a dépensé entre 30 et 35 milliards de francs en à peu près 2 ans et demi, 3 ans d'existence. Là-dessus, Joannovici, sur la partie métaux et sur la partie cuir, et puis il y a tout le reste, les bijoux, etc., touchait de l'ordre de 60 à 80%, pas des 35 milliards, mais des 7 ou 8 milliards qui ont été dépensés à l'époque. Une petite dizaine de milliards, c'est impossible en fait d'évaluer réellement. Enfin, ça fait une somme. Ça fait une somme assez incroyable. Voilà. Et alors, est-ce que les nazis savaient qu'ils négociaient avec un immigré juif Bien sûr. De Joannovici. Bien sûr, tout le monde le savait. Ça, c'est saisissant. Dans la place parisienne, tout le monde le savait. Il a même été catégorisé comme juif utile. Ah, si vous voulez, les Allemands sont assez pragmatiques face à cette question. Il y en a certains d'entre eux qui sont absolument obsédés par la question raciale et la question juive. Hein, ce sont les Allemands du service anti-juif de la Gestapo, le service 4J à Paris. Les autres, ils veulent faire du commerce et ils pensent à l'effort de guerre. Travailler avec un juif du moment que celui-ci amène quelque chose comme 80% des fournitures mensuelles qui sont envoyées par auto en Allemagne en matière de métaux non ferreux. 2000 tonnes par mois. C'est bon à prendre, quoi. Ben, c'est bon à prendre. Évidemment, ça permet derrière d'encourager l'effort de guerre allemand. Donc, en fait, il y a derrière Joannot, et c'est ça aussi qui est très intéressant, une sourde lutte de services allemands. D'un côté, les services dont le boulot est d'aller traquer les juifs s'intéressent beaucoup à Joannovici parce que ça devient un symbole. De l'autre côté, les services de la CIPOSD, la police de sécurité du Reich, qui ont notamment aussi autorité sur la Gestapo, et donc sur le service anti-juif, eux veulent le protéger. Et les bureaux d'achat, parce que ça passe par, ça s'appelle les bureaux d'achat, c'est ça. Étaient peuplés d'espions, dit-on. C'est vrai ? Les bureaux d'achat, ce qui est intéressant avec cette structure, c'est que c'est une structure qui répond au double objectif de la rentabilité et de l'espionnage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des endroits où se négocient de telles sommes, avec de tels écarts entre le prix d'offre et le prix de vente, qu'il est possible de dégager des marges qui serviront à financer des opérations. Donc, d'accord, en fait, on est face à des organismes à façade commerciale, qui camoufle des services de surveillance. Donc c'est très intéressant, et évidemment que pour les services secrets de l'armée, l'Abwehr, il y a là quelque chose de magique, c'est-à-dire que cet argent ne leur coûte rien, ils le prennent directement à la France. Ils le réinvestissent en rachetant des marchandises qui permettent de soutenir l'effort de guerre allemand, et en plus ils dégagent une marge pour financer leurs opérations. Mais est-ce que certains ont pensé que Joanovici pouvait être un espion soviétique ou britannique? Enfin, ennemi, quoi. Alors, on a tout dit sur lui. C'est-à-dire que dès 1938, on parle de lui dans les rapports de police comme d'un voyou, comme d'un fourgue. Sa fortune, qui a été évoquée dans le reportage, là déjà des services de police qui, à l'époque, s'interrogent. Fortune qu'il faut d'ailleurs relativiser. Il n'était pas du tout l'un des premiers vendeurs de métaux non ferreux. Mais enfin, il avait fait une belle petite place. On a aussi dit qu'il avait effectivement renseigné les Allemands dès avant la guerre. D'ailleurs, il y a un rapport de Lafont qui intervient pour le protéger du fameux service anti-juif, en disant « Écoutez, cet homme est très généreux, je ne crois pas que ce soit dans les habitudes d'un juif », il dit ça textuellement. D'ailleurs, il travaillait pour les Allemands dès avant la guerre. Donc ça, c'est un élément intéressant qui viendrait sans doute corroborer l'idée que peut-être que Joanneau aurait travaillé avec les services allemands dès avant la guerre. Mais on lui prête, et après on le prête qu'aux riches, on lui prête aussi des amitiés du côté des Russes, on lui en prête même du côté des Anglais, on lui en prête enfin du côté des Américains. En fait, la vérité, c'est que cet homme est une ombre. On ne sait pas exactement quelle a été son activité. On évoquait la résistance. Oui, il a financé au nord de la police. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? On ne sait pas. Apparemment, il a plus fait pour la collaboration que pour la résistance. Si on devait faire une balance entre les deux, c'est incontestable. C'est clair. Il avait conscience des gens avec qui il fricotait quand même. Les Lafont et Bonny, parce qu'on les connaissait, c'était les deux monstres. Pas les d'autres, ceux-là étaient deux monstres. Ce ne sont pas des amis. Ils ne se sont pas amis. Ils font les affaires, c'est tout. Ce sont des gens qui parlent la même langue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'agit d'opportunistes. Leur amitié ne tient que ce que dure leur arrangement. Et cet arrangement, c'est simple, il aura coûté 5 millions de francs à Joanovici, pour que Lafont le protège. Si vous voulez, à un moment donné, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une grande bascule au niveau des services de sécurité allemands, qui fait que les services de la Gestapo prennent la main, la CIPOSD pour être exact, prennent la main sur la sécurité intérieure en France. Et à ce moment-là, Joanovici a besoin de protection. Il se trouve que Knochen, qui est l'un des chefs de la police allemande en France, n'est pas en position de pouvoir correctement... Hermann Brandl, n'est pas en position de correctement le protéger. Et c'est à ce moment-là qu'il est mis sous protection de la Gestapo. Voilà. Et ça lui aura coûté de l'argent. Alors, comment on se débrouille avec ça? Je parle des historiens. Parce que c'est un objet d'étude qui est compliqué tout de même. Qu'est-ce qu'on en fait? Ah ben oui, c'est un objet d'étude fascinant en vérité. En fait, tous ces personnages qu'on évoque depuis le début, que ce soit les Lafont, les Bonny, Bonny qui lui aussi a traversé un nombre d'affaires incroyables, on a évoqué l'affaire Stavisky, il a été mêlé à l'affaire Prince, Bonny. Enfin voilà, c'est quand même assez fou. Tous ces personnages sont des personnages qu'on pourrait croire sortis tout droit d'une fiction. D'ailleurs, ils ont inspiré de nombreuses fictions, et des films, dessinées, etc. Donc c'est fascinant, et en fait ce qu'il y a d'intéressant chez eux, c'est qu'ils nous montrent un volet de l'humanité qui ne peut se révéler que dans ce type de période, qui sont des périodes qui autorisent ces réussites, c'est-à-dire que le voyou peut devenir un commerçant. Le voleur peut devenir un commerçant qui va simplement voler le matin et revendre l'après-midi le produit de ses rapines, mais en tout finalement normal, quoi. C'est du business. Et c'est intéressant parce que ça répond de façon compliquée à une question simpliste. La question qu'on se pose souvent, qu'est-ce qu'on aurait fait, hein? Et évidemment, il n'y a pas une réponse oui ou non, c'est rare. On est dans une période qui permet justement des pérégrinations aussi étonnantes les unes que les autres. Alors, on peut, évidemment, que je ne répondrai pas à cette question, je ne sais pas ce que les uns et les autres auraient fait. Ce qui, par contre, est assez saisissant avec Lafont, Bonny, Joanovici et tous leurs copains, tous leurs sbires, c'est qu'en fait, et c'est peut-être ça la tâche morale énorme, au-delà du fait qu'en plus de ça, Lafont a tué, etc., c'est qu'à aucun moment ils ne partagent le destin de leurs concitoyens et de leurs contemporains. Ces gens-là vivent dans l'opulence la plus totale, ils font des fêtes, ils boivent du champagne, mais vraiment, c'est des Java. 4 ans de Java, tout en allant le lendemain traquer des résistants, arrêter des juifs, voler tout ce qu'ils peuvent voler, pendant que leurs concitoyens en sont réduits à faire la queue devant les boutiques désespérément vides. Et donc voilà, il y a un hiatus qui s'installe quelque part. Ils se décrochent du destin collectif. Et bien forcément, à un moment donné, il y a des comptes sont demandés, forcément. Et en 1957, ce sera ma dernière question, il est poursuivi par le fisc. Alors, il se lance dans une deuxième cavale qui va le conduire notamment à Haïfa, Israël. Que s'est-il passé là? Oui, il a... Il reste que 25 secondes. Il a naïvement pensé qu'il pouvait bénéficier de la loi du retour en Israël, qui lui a été refusée. C'est un des rares cas auquel Israël a refusé son accueil. Oui, on peut citer Meir Lansky, hein, pour donner une image un peu saisissante de la dimension des gens qui n'ont pas pu être accueillis pour lesquels Israël a refusé toute aide et tout soutien. Bien, ce qui paraît quand même effectivement pour le moins logique vu son passé. Merci Grégory Oda. Merci à vous. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'ambigu Monsieur Joseph. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Ronan Mahé. Sympa de passer après mon dégât des eaux. Tu m'aides à nettoyer? Et voilà. Et à pousser le canap? Et voilà. Et tu me prêterais de l'argent pour que je fasse les travaux? Avec votre contrat habitation en cas de dégâts des eaux, Télème Assurance vous indemnise en 48 heures seulement pour faire vos travaux vous-même. Et voilà. Retrouvez nos solutions simples et faciles dans nos 300 agences ou sur telem-assurance.fr. Et en ce moment, 4 mois de cotisation offerts pour chaque nouveau contrat. Offre soumise à condition. Télème Assurance, société d'assurance mutuelle régie par le Code des assurances.